pas jamais saisi. Si tête mon moi calé, si ma prendre pour oublier. Si manger non fatra, si sans avenir, si Haïti mourit, oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Si tête mon moins calé, si ma brande oublie, si manger non fatra, si sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on détripe, on pète blatte, c'est parce qu'on exploite, on crève des granges, on son papa l'enfer, on mal la police, fait, à l'os des siècles en siècle, je vais vine pis à crec, c'est parce qu'on exploiter.